ce vendredi à La Vie en BD. De l'animation avec Louis Leclerc, le Pixel Animation et le Cartoon Connection 2016. De l'informatique avec Margarida Romero et son Vibot le robot. Et une histoire de la musique avec Nicolas Jobin et Paul Bordelot. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour porter un regard, bon, sur le 9e art, mais cette semaine, on élargit un brin nos perspectives. On va aller du côté du cinéma d'animation et de l'animation en général. Il faut dire qu'il y a quand même une belle parenté entre l'univers de la bande dessinée et l'univers du cinéma d'animation. À différents égards, les intervenants qui se croisent parfois, qui se partagent différentes charges, qui ont débuté, qui sont devenus vers l'animation. Bref, il y a une certaine parenté et en même temps, il y a un événement quand même majeur, en fait deux événements majeurs qui débutent la semaine prochaine à Québec en la matière. Alors on trouvait difficile de ne pas en parler, surtout qu'on a un peu échappé cet événement-là au fil des dernières années. Alors on se rattrape ce soir. Alors on parle quand même là d'un événement important avec beaucoup de pays représentés, beaucoup d'intervenants du milieu. Alors on va en parler avec lui Leclerc tout à l'heure, donc Louis Leclerc qui est directeur général de Pixel Québec. En deuxième partie d'émission, on va aller voir d'abord du côté du livre jeunesse illustré évidemment, une proposition que Margarida Romero et Loufane ont fait. Ça remonte quand même à il y a quelques mois, on est un peu en mode rattrapage avec celui-là, mais le sujet faisait qu'on avait envie de vous en parler doublement, puisque ça rentre aussi dans d'autres de mes préoccupations, donc l'idée de la littératie, de la culture numérique, de l'acquisition de la culture numérique à l'intention d'un public peut-être un peu plus jeune, quoique la méthode qui est proposée à travers ce livre qui s'appelle Vibot le robot est adaptable aux 7 à 77 ans, je crois bien. Alors l'idée, c'est à travers un livre illustré d'accompagner les jeunes dans l'apprentissage, dans l'appropriation du code informatique. Pourquoi est-ce que c'est pertinent d'apprendre le code? C'est là un beau sujet qu'on va développer autour de ce livre-là, donc avec Madame Romero en deuxième partie d'émission. Et en fin d'émission, on va porter un regard sur un événement qui a lieu à la semaine prochaine du côté du Musée de la Civilisation, jeudi prochain, en fait, le 27 octobre. C'est la troisième conférence dessinée de la série Planche d'Histoire que j'ai le plaisir de proposer via Parenthèse 9. Et cette fois-ci, c'est Nicolas Jobin et Paul Bordelot qui relèvent le défi d'une conférence dessinée. En plus, une conférence dessinée, cette fois-ci, qui est sur l'histoire de la musique au Québec. Alors, de quelle manière on illustre un sujet qui peut-être, a priori, peut sembler relativement abstrait. Alors, c'est ce qu'on va discuter, entre autres choses, avec donc les deux conférenciers dessinés à la fin de l'émission. Alors, voilà pour le menu de La Vie en BD. Dans l'actualité, par ailleurs, des belles nouvelles, notamment, en fait, beaucoup d'adaptations, de propositions qui sont réalisées, qui sont effectuées ou qui sont en projet. Et dans la foulée de Valérian, Torgal va aussi connaître son adaptation à l'écran. Le héros créé par Vanham et Rosinski en 1977 ne sera toutefois pas porté pour le cinéma, mais bien pour le petit écran. Alors, c'est le réalisateur allemand Florian Henkel von Dommersmack qui a fait La Vie des autres, fan de la bande dessinée depuis son adolescence, qui va s'en charger. Et si on ignore encore le nombre d'épisodes prévus, le casting, les dates de tournage, enfin, c'est pas grand-chose, mais à tout le moins, on annonce une série qui serait dans la veine de Game of Thrones. Alors, on met ça dans notre pile de sujets à surveiller, évidemment, et cela alors que l'adaptation de Valérian, elle, s'en vient quand même assez rapidement. Parallèlement, autre sujet, on l'a partagé d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/lavieenbd. Belle occasion, d'ailleurs, de rester en contact avec l'équipe de l'émission entre, justement, les différentes éditions qu'on vous propose ici sur CKRL. Et donc, c'est la couverture, en fait, du Tintin au pays des Soviets colorisé qui a été dévoilée. Nouveau Tintin, en fait, réédition de cet ancien Tintin qui est annoncé pour le 11 janvier 2017. Alors, voilà, une couverture qui avait jamais été colorisée. Donc, un album, d'ailleurs, qui avait jamais été colorisé non plus. Petite évolution, si on peut dire, pour la couverture du Tintin au pays des Soviets 2017. Le Kremlin a disparu, tout comme le personnage de Tintin debout dans un uniforme bolchevique. L'accent a plutôt été mis sur le mouvement puisqu'on découvre Tintin et Milou dans une voiture décapotable filant à toute allure pour échapper à un petit avion. Autre nouvelle, on parle beaucoup de Wonder Woman dans l'actualité depuis la rentrée, en fait, voire un peu au-delà. Première chose, peut-être un peu plus récente, Wonder Woman, donc je vous rappelle, le super-héroïne de DC Comics, créée en 1941 par Charles Moulton, va être désignée comme ambassadrice honoraire des Nations Unies afin de servir une campagne de l'ONU d'un an sur l'émancipation des femmes et des filles. Un choix qui, par ailleurs, si vous avez suivi un peu la toile au fil des derniers jours, ne fait pas du tout l'unanimité. Un choix qui a été dicté pour l'ONU, du moins, par la nécessité de parler aux jeunes. Alors, l'objectif affiché de Moulton, d'ailleurs, et c'est le lien qu'on propose du côté de l'ONU, était, et j'ouvre les guillemets, de promouvoir au sein de la jeunesse un modèle de féminité forte, libre et courageuse pour lutter contre l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes et pour inspirer aux jeunes filles la confiance en elles et la réussite dans les sports, les activités et les métiers monopolisés par les hommes. Il faut dire que quelques semaines auparavant, Wonder Woman avait également fait parler d'elle. En fait, c'est Greg Rucka, un des dessinateurs actuels, en fait, du moins de Wonder Woman, qui a décidé de proposer une évolution à ce personnage. Donc, Wonder Woman qui est désormais devenu bisexuel. Alors, est-ce que ça a une importance X, Y ou Z dans la proposition d'histoire? Ça reste à voir. Mais donc, c'est en lien avec un nouvel épisode, où on explique que, Wonder Woman est originaire de Themyscira, une île peuplée uniquement d'Amazones. Et évidemment, l'idée du dessinateur, c'est que si c'est une île peuplée d'Amazones, mais nécessairement, il y a une notion de bisexualité. Alors, voilà ce qui était sorti un peu plus tôt cette année. Et dernier clin d'œil à l'actualité, Bécassine, qui est de retour également, âgé de 111 ans quand même, la célèbre Bonne Bretonne, considérée comme la transition entre les histoires illustrées et la bande dessinée moderne, va être de retour en France c'est déjà fait, mais ici ça sera toujours un peu plus tard, là. Donc un album de 48 pages avec des bulles et Vacances de Bécassine, alors dans lequel la paysanne bretonne traverse toute la France au gré de ses rencontres afin de rendre visite à Zidore dans le village provençal de Falais-les-Grillons. Alors c'est Corbeyran au scénario, c'est Béja au dessin qui reprennent cette série. Alors voilà pour ces quelques clins d'œil. En musique cette semaine, c'est la formation Princess qui nous accompagne avec un album qui s'appelle Fence Post et on écoute de ce pas un premier extrait. Et je vous rappelle d'ailleurs que toutes les émissions de La Vie en BD sont disponibles en balado-diffusion. Vous pouvez les trouver sur lavieenbd.wordpress.com. Tel que mentionné en introduction, on élargit sporadiquement, en fait, nos horizons vers des univers que personnellement, je juge un peu comme concomitants, comme interreliés. Et c'est le cas, notamment du cinéma d'animation. Et il y a un événement, en fait, qui, au fil des années, s'est imposé comme un incontournable. Il s'agit de Pixel Animation et Cartoon Connection. Et à Québec, ça commence donc le 20 25 octobre prochain. Pour nous en parler, je suis en compagnie du directeur de Pixel Québec, Louis Leclerc. Bonjour. Salut Raymond. Alors, peut-être en fait pour donner une échelle autour de ces événements-là, donc c'est d'envergure. En fait, on parle de 23 pays participants, de 200 projets qui vont être présentés, 1000 rendez-vous professionnels. Et en termes d'importance, de ce que j'en comprends, c'est l'un sinon le plus important au Canada. Oui, exactement. Et je rajouterais à ça 6 classes de maîtres, dont à peu près 3 exclusivités. Une grande première qui va être annoncée aussi, une grande première d'une émission de télé qui est annoncée par TFO, alors qui est annoncée ici à Québec, produite par Frima, mais qui va être annoncée ici. Donc, il y a des grandes premières en plus de ça. Donc, c'était quoi la question déjà? En fait, c'est une espèce de description, puis en même temps, je regarde ça, ouais, puis je regarde un peu de loin aussi l'évolution de ça. J'ai l'impression qu'un peu subtilement, Québec est devenu une plaque tournante pour le cinéma d'animation. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Ça a commencé par des producteurs qui veulent se voir entre l'Europe et le Canada. Et puis, ils ont choisi la ville de Québec pour se rencontrer. Ça a commencé de même, voilà, 7 ans. Et puis, de fil en aiguille, finalement, pierre par pierre, hein, pour apprendre une petite analogie. Donc, on a bâti autour de ça. Mais c'est une plaque tournante. C'est une plaque tournante de business. Puis, de plus en plus, mais les gens ont dit, ben, Louis, pourquoi tu fais pas? Louis, l'équipe de Pixel, bien sûr, là, mais parle à moi. Pourquoi tu fais pas une classe de maître? Tu sais, tant qu'à y être, t'as tout le plateau, là, tu sais, t'as des salles. Ah, ouais, on va en faire une. Donc, on a commencé une. Donc, je me souviens de la première année qu'on a fait une avec Squeeze, d'ailleurs. Et puis, c'est un super dessinateur qui s'appelle Pablo Navarro. En tout cas, vous le cherchez sur Google. C'est un super dessinateur. Donc, on pensait avoir 20 personnes. On a eu 150. Donc, on s'est dit, bon, y a, les gens en veulent. On va en refaire d'autres. Et puis là, mais cette année, on a des grandes premières mondiales. C'est la première fois qu'ils vont en émission de télé. Le FM, le Fonds des médias est là-dedans. C'est tout ceux qui financent, ceux qui produisent, ceux qui dessinent, ceux qui réalisent, etc., etc., sont là. Puis bien sûr, les commanditaires sont là aussi. Donc oui, c'est une plaque tournante de l'animation. La semaine prochaine, là, le monde de l'animation mondiale est à Québec. Oui, parce que quand on regarde justement les noms, les compagnies, les diffuseurs, en fait, c'est très. On parlait de 23 pays tantôt. Ouais. Et c'est pas des petits joueurs dans ces 23 pays. Là, on parle de BBC, on parle de Walt Disney, on parle des grands réseaux, là, des gros joueurs. Des grands réseaux. Et ce qui est le fun à Pixel Animation, et là, je vais faire / Cartoon Connection. Notre section Cartoon Connection, c'est très business. C'est très les producteurs qui se parlent à eux, qui vont voir effectivement BBC ou qui vont voir France Télé ou une télévision. Tu sais, il y a la plus grosse télévision mexicaine est là, Televisa est là. Donc, ils vont en parler de leur projet. Mais ce qui est très plaisant dans Cartoon Connection, c'est que les diffuseurs ou les grands diffuseurs ou les grands financiers, mais il y a des jeunes producteurs qui sont là. Et c'est ça qui est vraiment plaisant. Donc, tu peux avoir un projet, toi, puis tu vas... Et puis, tu n'as même pas peut-être ta boîte de production encore. Là, c'est, et puis, tu as un projet, puis tu peux venir voir à Cartoon Connection. Il faudra que tu payes, oui, effectivement. Mais quand même, il y a beaucoup qui se servent de ça pour voir est-ce que leur projet, ça va intéresser un diffuseur pour éventuellement le financer. Tout ça. Donc, c'est plaisant parce que ça crée une bulle entre les grands de ce monde, mettons, je vais dire ça comme ça, mais aussi entre les créateurs qui veulent rencontrer d'autres mondes puis qui veulent voir ce que ça donne. Et ça, le monde de l'animation a beaucoup ça. Aussi la place aux créateurs pour voir vraiment les nouveaux projets qui s'en viennent. Et j'ai l'impression quand on parle de mixité comme ça, en fait, puis d'accessibilité, ça me fait penser un peu à Annecy à certains égards, où il y a cette proximité-là, il y a ce côté convivial-là, et en même temps, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire aussi sur l'importance de cet événement-là du côté européen. Je pense que c'est le plus gros à l'international même, de manière large, mais dans une ville qui est de taille, je pense même plus petite que Québec, donc il y a peut-être quelque chose aussi dans... Je sais pas si t'es déjà allé à Annecy. Oui. Et c'est beau, hein? C'est beau. On s'inspire beaucoup d'Annecy. Effectivement, Annecy, c'est plus petit que Québec. Ah oui, certain. Mais on s'inspire beaucoup d'Annecy. Mais c'est pas aussi Annecy qui a créé ça. C'est le monde de l'animation qui est comme ça. Mm-hmm. Le monde de l'animation, ça reste des créateurs et des artistes dans l'âme. Donc, effectivement, Annecy a suivi ça parce que c'est le monde qui crée l'événement. Hein? C'est pas l'événement qui crée le monde. Donc, ils sont très, très ouverts. Donc, effectivement, on a un peu la même vibration qu'Annecy, je veux dire. Et en même temps, mais comme tu dis, c'est dans le fond, faut être à l'écoute des gens, des besoins, des propositions. Puis toi, en tant qu'organisateur, puis Pixel Québec, c'est un peu justement d'encourager cette vibe-là, si tu me permets l'anglicisme. Absolument. Puis si je continue, on a commencé par le business, puis après ça, on a fait des classes de maître. Mm-hmm. Puis après ça, cette année, on a une nouveauté. On diffuse des films en co-présentation avec le CLAP et Kiwistiti. Et donc, on diffuse des films d'animation. Oui, donc, parce que les gens nous le demandent. Fait que, OK, on va le faire. Puis on essaye. Puis on grandit comme ça. Puis, ça vient un peu combler le vide avec le retrait, le départ des sommets de l'animation de Québec. Mais dans le fond, il y a quand même un intérêt du grand public pour le cinéma d'animation. Oui. Il y a quand même, en même temps, tant qu'à faire venir des films, des créateurs, mais pourquoi pas faire le troisième pont, dans le fond? Absolument. C'était pour ça aussi. C'était pour profiter de ces créateurs-là. Des fois, ça peut donner qu'ils viennent voir les films, etc., etc. Et c'est ce qui se crée à Annecy, hein. Tu fais de la business le jour, puis tu vas voir des films d'animation le soir, ou tu prends une petite bière en même temps, etc. Donc, ça fait partie du lot quand on est un événement. Oui, voilà. Puis à la limite, j'imagine, en fait, d'un côté, on a le côté business, on a le côté créateur, dans le fond, les gens du milieu, mais ça permet aussi d'aller chercher le public, parce que, je disais subtilement, parce que si on n'est pas des fois dans le milieu, on peut échapper à ces événements majeurs-là, si on peut ne pas avoir nécessairement conscience que ça a lieu présentement dans notre vie. Oui, tu le disais en début d'émission, tu sais, on l'a échappé un peu. Non, je pense pas que tu l'as échappé. C'est que effectivement, on s'adressait pas au grand public avant. Oui, c'est un événement de business. Mais là, on veut s'adresser. On a toujours voulu s'adresser. Parce que ça reste que les producteurs qui sont là pour parler de leur projet à un autre producteur européen ou latino-américain ou asiatique, qui est là. Ça reste qu'il veut le raconter. On est son histoire et la montrer au grand public. Hein? C'est ça le but ultime, c'est ça. Mm-hmm. C'est ce qu'on voulait faire en même temps parce qu'on connaît ces gens-là, puis ces gens-là nous disent « Hey, j'aimerais ça aussi raconter comment j'ai fait ma production, raconter comment j'ai parlé ou j'ai pensé à mon histoire, comment la raconter, c'est une autre classe de maître. Puis j'aimerais ça aussi la montrer au grand public de Québec parce que là, ton monde est là. » Donc, ça fait partie de ça parce que les gens nous le demandent. Et est-ce qu'on a l'impression, quand je regarde un peu la croissance de ça, puis je suis retourné un peu aux statistiques au départ, j'ai l'impression que, parce qu'on parlait que c'est devenu un incontournable, c'est un des plus gros au Canada, ça s'est fait quand même assez rapidement, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est quand même court dans l'histoire d'un événement. C'est assez court, oui, c'est assez court. Mais Annecy, ça fait 43, je pense, 44, je me souviens, 42, en tout cas, si vous le savez, je sais pas, 42 ans. En 6 ans ou en 7 ans, finalement, ça va être la 7e édition. Ça s'est fait très, très, très rapidement. Je pense tout simplement, c'est qu'on a écouté les gens, là, comme tu dis si bien. Là. On a écouté les gens, puis ils veulent ça, mais on le donne. Et puis, c'est ça, on le donne tout simplement. Et dans le communiqué de presse, en fait, il y a un chiffre que j'ai trouvé. En fait, j'ai cité quelques chiffres, mais celui-là aussi, j'ai trouvé intéressant, mais je me suis dit, il faudrait que Louis Leclerc me l'explicite un peu. Okay. On parle de retombées de plus de 34,5 millions sur l'industrie, pour l'industrie au fil des différentes éditions. Ouais. Tout simplement, c'est qu'on demande à chaque année combien de contrats c'est signé. Là. C'est un peu technique ce que je dis, là, mais on demande combien de contrats c'est signé. Signé. Donc, et les gens nous le disent. À chaque année, on compile ça. Bien sûr, il faut le dire à nos subventionneurs et même si, même aussi aux producteurs qui viennent ou aux diffuseurs qui viennent. Parce que les gens sont intéressés à ça, savoir si vraiment ça fonctionne comme événement. Et puis, donc, on a additionné ça d'année en année. Puis, en animation, un budget d'animation, là, en bas d'un million, on fait pas grand-chose, disons. Et là, peut-être des producteurs vont écouter, vont dire, c'est pas vrai, Oui, on peut faire quand même, on peut faire beaucoup, mais quand on signe des productions, parce que c'est nécessairement des productions internationales qui se signent là, donc ils signent au minimum avec le Canada puis l'Europe, donc ils vont être diffusés au Canada puis en Europe, et souvent ils sont diffusés ailleurs après. Donc, 1,5 million, là, c'est une moyenne assez conservatrice, de production. Donc, quand on additionne les contrats qui s'est signés d'année en année, on est à 34,5 millions. Et effectivement, c'est un chiffre quand même important que tu mentionnes parce que quand on se lance dans le cinéma d'animation, que des joueurs comme les productions 10e Avenue, par exemple, comme Squeeze aussi, qui s'étend tranquillement vers l'international, Frima, faut aller avec des bons moyens parce que la compétition à l'international, c'est DreamWorks, c'est Disney, c'est les gros studios qui sont là-dedans. Ouais, absolument, absolument. Des fois, dans le live action, là, je fais un petit parallèle, dans live action, t'sais, ils disent que maintenant, les productions d'ici, mettons un film québécois, vont avoir le budget de la cafétéria d'un film américain. T'sais, donc, nous autres, à peu près, on va avoir le dixième du budget de la cafétéria de Pixar pour simplement le dîner une journée. T'sais. J'exagère un peu, mais c'est pas comparable les budgets que, mettons, les Américains peuvent avoir, comme les gros joueurs peuvent avoir, comparé au budget qu'on peut avoir au Canada. Là, on parle de films. En télé, quand même, on a quand même des très bons budgets. Et c'est pour ça aussi que Cartoon Connection existe, parce que les Européens veulent faire affaire avec les meilleurs aussi dans le monde. Mm-hmm. Donc, ils sont venus au Canada pour ça aussi. pour parler aux Canadiens, parce que les Canadiens, mais les Québécois aussi, là, mais là, je parle des Canadiens, mais on est très, très bon en animation. On est très, très bon, puis on a toujours été bon ça fait plusieurs années qu'on est bon. Donc, ils veulent coopérer avec nous, là, ils veulent faire de la coproduction avec nous. Mais c'est effectivement, les budgets sont astronomiques en animation, des fois. Ce qui fait, par contre, c'est que même si on a des budgets moindres que, mettons, les grandes productions, nos séries d'animation ici, québécoises et même de Québec, se retrouvent à l'international partout. Mm-hmm. Partout, partout, partout. On parle de Squeeze, 10e Avenue, Frima, dans ce cas-là. Bon, on va sortir Maxi, donc c'est une série produite par Frima. Ça s'est signé à Cartoon Connection l'an passé. Donc, ça s'est signé là. Craqué, qui vient de sortir à Télétoon, ça s'est signé à Cartoon Connection. Ils l'ont vendu à Cartoon Network, qui est un grand réseau mondial d'animation. Ça s'est vendu à Cartoon Connection ici à Québec. Mmh. Donc, tu sais, tout ça est interrelé, comme je disais tantôt. Ils veulent produire, mais ils veulent le montrer au grand public. Ils veulent en parler. Et tout ça se passe en haut ici à Québec la semaine prochaine. Oui, on dit souvent, en fait, que pour dynamiser un milieu, il faut avoir des créateurs d'un côté, des studios, des gens qui en font, il faut avoir des écoles, des gens qui apprennent, il faut avoir des événements qui favorisent le métissage puis qui permettent un positionnement. Dans le fond, parce que j'étais déjà tombé à un moment donné sur une statistique où on disait que Québec était quoi, le quatrième pôle à l'international, le Québec, en fait, moi, quatrième pôle à l'international au niveau de l'animation, parce qu'il y avait justement la présence de cet écosystème-là qui favorisait le développement des talents, le maintien des emplois, etc., etc. Ben, présentement, je me trompe de chiffres, parce que chiffres changent à chaque semaine. Juste au Québec, en animation et en effets spéciaux, qui est un domaine un peu interrelié, c'est pas tout à fait la même chose, mais les métiers se ressemblent, disons. On cherche à peu près 400 emplois au Québec. On peut avoir un emploi demain matin, facilement, facilement, facilement, à Québec ou à Montréal, mais à Québec aussi, ils en cherchent. Donc, surtout des créateurs qui ont vraiment beaucoup d'idées. Et puis, c'est sûr, des créateurs, des artistes là, qui ont beaucoup d'idées. Et justement, là-dessus, en termes des talents de Québec, je regardais les classes de maîtres pour le Pixel Animation. C'est des classes de maîtres, beaucoup de studios québécois, 10e Avenue, Cinécite. Ce sont tous des Québécois. Et c'est de calibre mondial. On parlait d'Annecy tantôt. Moi, je suis là à chaque année depuis 3 ans. Je serais pas meilleur, là. On va le dire pareil. Personne ne nous écoute. Non, mais c'est de calibre international. Alors, quand on parle de Mission Yeti, admettons, ça va être une des premières fois qu'on voit des images de Mission Yeti. On a vu quelques-unes, mais on n'a pas vu beaucoup. On parle de Ballerina, ceux qui ont vu le film Ballerina. En tout cas, c'est pas sorti encore. Ça sort le 13 décembre, je me trompe pas. C'est la première fois qu'on voit le making of de Ballerina, la bande-annonce. Est déjà sorti, qui est un film fait à Montréal. On va avoir une classe de maître de Craqué, comment ils ont fait l'animation faciale de Craqué, parce qu'ils ont des nouvelles techniques. On va avoir une classe de maître de Maxi faite par Frima. On va avoir une classe de maître de Cinécite de Montréal aussi, qui font un super produit. Donc, ce sont tous des Québécois et c'est de calibre mondial. Mondial et même plus, je dirais. Parce que le talent ici ressort de partout. Et est-ce que c'est toi qui vas les chercher, toi et l'équipe de Pixel, qui va aller proposer des sujets comme ça, ou est-ce qu'inversement, ils disent, ah, on a tel produit, on aimerait ça le proposer? C'est un peu des deux, ouais. C'est moi qui s'en occupe personnellement, mais c'est un peu des deux. C'est surtout parce que au fil des années, j'ai développé des contacts. Donc, c'est un peu des deux. Des fois, c'est les gens qui disent, ah, on aimerait ça faire ça chez vous. Puis des fois, c'est moi qui dis, hey, viens donc. C'est un peu des deux. Oui, parce qu'à longue, on finit par savoir aussi justement qu'est-ce que les gens qui se déplacent cherchent aussi à aller chercher comme connaissances, comme compétences, comme expertise, on peut dire. Oui, effectivement. Puis ça fait longtemps qu'on fait des classes de maître depuis quelques années. Et ce qui est plaisant, c'est que à la base, Cartoon Connection, on est à l'embryon du projet. Souvent, il y a un petit démo qui s'est fait. Donc, les producteurs vont le montrer, mais on va le voir avant bien du monde. Fait que là, des fois, on peut, tu sais, moi, je suis un peu ratoureux. Donc, je peux voir un peu ce qui se passe, puis on va dire, hey, j'aimerais ça l'année prochaine, si ça marche, que tu montres comment t'as fait ça, t'amènes tes créateurs avec toi. Oui, surtout que c'est un domaine qui évolue quand même assez rapidement au niveau des techniques, surtout quand on parle d'animation par ordinateur. L'animation 2D reste quand même plus traditionnelle. En fait, les techniques sont plus assises, mais ça évolue aussi, j'imagine. Oui. Le 2D évolue beaucoup, puis on voit de plus en plus qu'il va y avoir des nouveaux logiciels. C'est encore technique, mais il va y avoir des nouveaux logiciels qui... C'est un mélange, j'ai hâte de voir ça, moi-même je ne l'ai pas vu, mais le monde me parle beaucoup de ça, c'est un mélange entre la 2D et le 3D. Donc les logiciels sont quand même faire des effets un peu trompe-l'œil. Donc même la 2D évolue rapidement. Puis la 3D, ben, c'est exponentiel. Ça n'arrête pas d'évoluer. Et à travers tout ça aussi, on le mentionnait, il y a le volet grand public des projections au CLAP qui sont prévues les 27, 28, 29, 30 octobre. Et là, pour les gens qui nous écoutent, en fait, il y a ceux du milieu qui disent « Ah, peut-être que ça vaudrait la peine que j'aille faire un tour du côté des deux événements, plus pour le milieu, donc Cartoon Connection, Pixel Animation, mais pour le grand public, donc du 27 au 30 au CLAP, une série de films qui sont proposés. Peux-tu nous en parler un petit peu? » Oui, effectivement, juste pour te dire que, effectivement, les gens qui sont intéressés peut-être à venir voir les classomètres, tu sais, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Okay. Mais c'est sûr que des fois, c'est assez technique, je peux pas dire le contraire, mais c'est ouvert à tous quand même. On peut suivre. Des fois, c'est un peu technique, mais il y a des gens qui viennent qui sont pas du milieu, ils sont juste intéressés à venir voir qu'est-ce qui se passe dans le milieu, et qui viennent, donc ils peuvent s'intéresser à ça. Puis c'est super intéressant. Donc, ouais, cette année, on a, je sais pas si vous connaissez, mais c'est Okusai, pardon, ça va être une grande première, c'est un film japonais. On le diffuse d'ailleurs en japonais, sous-titre français. Donc, c'est un film en 2D qui est vraiment très, très beau. Alors, donc ça, on a ça. On a aussi, on a le Prophète qui est là. On a Kubo qui est assez connu aussi, qui est projeté là. On voulait avoir des films, grand public, parce qu'il y a beaucoup de films ici qui sont diffusés, qui sont plus artistiques. Mais on voulait des films un peu qui font un peu la part des choses, un peu des deux, très très artistiques, mais qui s'adressent à un large public là-dessus. Donc on a 5 films qui vont être diffusés de jeudi à dimanche. L'horaire est tout sur Pixel Animation. Oui, puis sur le site du CLAP aussi, je pense. Pour le site du CLAP aussi. Et le CLAP, ce sont des grands amateurs, des grands passionnés, ils sont toujours à Annecy aussi, des grands passionnés de films d'animation. Donc c'était comme naturel de faire ça avec eux. Et est-ce qu'on a l'impression que ces bases-là, si ça marche bien cette année, mais c'est quelque chose qui pourrait être développé plus avant, peut-être l'année prochaine? Absolument. Tu lis dans mes pensées. Oui, effectivement. Donc, on a toujours fait ça de cette façon-là. C'est qu'on commence de façon, je pourrais dire, honnête. C'est-à-dire, tu sais, on n'ira pas avec 5, 170 films, l'affaire de la foule. Non, on y va avec... on veut que les gens les voient, qu'il y ait une belle expérience quand il faut que je... Comme je parlais des classes de maître, tantôt, on a commencé par une classe de maître. Là, on est rendu avec 6, mais on a commencé par une. Donc, on veut faire un peu la même chose pour les années futures, effectivement, que ça se développe de plus en plus. Et on a décidé cette année qu'il y avait juste aussi du long métrage. C'est une décision parce que on voulait se concentrer là-dessus. Mais on pourrait faire du court aussi éventuellement. Mais là, c'est une autre affaire. Mais oui, effectivement, on veut développer ça. Alors, à suivre, mais d'ici là, à suivre cette année aussi. Louis Leclerc, donc directeur général de Pixel Québec, merci beaucoup. Merci. Et nous, on retourne en musique, toujours avec Princess et leur album Fanpost. Toujours écoute La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous, je le rappelle, jusqu'à 18h30. C'est le moment de l'émission où on parle de quelques sorties récentes, en fait, une toute particulière dont j'avais envie de vous parler. Série, en fait, parce que je pense qu'on peut commencer à parler de série dans ce cas-ci, qui en est quand même à quelques titres qui ont été amenés. Alors, il s'agit du troisième de ces regards sur Alan Ingram Cole, qui est porté par Emmanuel Guibert. Alors, Martha et Alan, donc on y va vraiment, en fait, j'ai l'impression du plus précis en termes anecdotiques vers quelque chose de peut-être un peu moins précis, plus universel. Donc, ça change un peu de sujet, de nature de sujet, je pense, au fil Des albums. Le premier, évidemment, on suivait, je le rappelle, dans les souvenirs de la Grande Guerre. Dans le deuxième, mais là, c'était son enfance et ça te donnait, j'avais beaucoup aimé le deuxième, en fait, aussi. Le premier qui était extraordinaire, évidemment. Le deuxième, excellent, où on se retrouvait, donc, dans le contexte d'une enfance sur la côte est, la côte ouest américaine dans les années 30. C'était intéressant en termes de regard, surtout en comparaison avec l'époque d'aujourd'hui. Donc, la nature, les lieux, les maisons, une attention au niveau de l'architecture. Pour le troisième, là, c'est vraiment, j'aurais tendance à dire, beaucoup plus anecdotique. Donc, c'est essentiellement une histoire d'amitié. Donc, Alan qui est ami avec une petite fille qui s'appelle Martha. Donc, ils vont se suivre pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce que, pour une raison un peu insignifiante, on peut dire, ben ils sont amenés à ne plus se voir. Ils finissent par ne plus se voir du tout. Éventuellement, essaient de renouer cette amitié à deux reprises, à deux autres étapes de leur vie. Alors, donc c'est, disons, un récit tout simple en fait et avec, presque en fait, je veux dire, on est dans le livre illustré là, plus que dans, en termes d'esthétique, donc une narration qui est précise, qui est quand même limitée en termes de mots et avec une esthétique qui est vraiment intéressante. En fait, on rompt avec le noir et blanc des précédents livres qui racontaient la vie d'Alan. Guibert emploie la couleur des dessins en double page. Là, c'est vraiment au quart de tour de ce côté. Donc, on va avec, dans le fond, un album avec une série d'illustrations qui sont vraiment, vraiment belles. En fait, il y a des très, très beaux segments là-dedans où on a l'impression qu'on s'amuse aussi avec des bases photographiques, qu'on joue un peu avec la manière de proposer ça. Et tout ça avec un rythme de lecture qui, finalement, est très régulier, mais très lent également. Donc, ça fait un métissage qui est intéressant de ce côté. C'est un livre qui est agréable à lire, qui peut se lire très rapidement ou de manière méditative. Si on peut dire, je recommanderais la deuxième option. On joue évidemment avec le grain des couleurs qui est bien rendu. Enfin, une belle édition de manière générale, d'ailleurs. Alors, c'est un récit qui peut paraître un peu limité, si on peut dire, en termes de portée au départ, mais finalement qu'on apprécie progressivement, et surtout dans l'impression que ça va nous laisser par après. Un récit qui est très universel, évidemment, une amitié qui est toute simple, une amitié qu'on a tous connue, qu'on a tous eu dans notre enfance, et qu'on découvre donc que ça se passe dans les années 30 ou aujourd'hui, ça aurait pu être essentiellement la même histoire, ou presque. Alors, un livre, en fait, que j'ai trouvé bien intéressant, pas nécessairement aussi intéressant que les deux précédents qu'Emmanuel Guibert avait fait autour d'Alan Ingram Cope, mais tout de même, ça reste une addition pertinente, je pense, à cette trilogie. La vie en BD, on porte maintenant un regard sur une publication qui est un peu en mode rattrapage pour celui-là. C'est sorti il y a plusieurs mois de ça, et au fil des regards, des réflexions, on s'est dit que on tenait à vous en parler, à attirer votre attention peut-être justement sur cet ouvrage. Ça s'appelle Vibot le robot, c'est du côté des publications du Québec, et on est en compagnie d'une des deux auteurs de cet ouvrage aux côtés de l'illustratrice Loufane, Margarida Romero. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, peut-être en fait, le point de départ du projet, et je pense que c'est un peu le cœur de cet ouvrage-là, c'est l'idée de la programmation, de l'informatique, de la littératie numérique, on pourrait dire. Donc, l'idée qui devient important aujourd'hui d'apprendre pour les jeunes, mais pour tout le monde aussi, même en général, donc à maîtriser ou à comprendre les bases du langage numérique. Alors, peut-être justement, qu'est-ce qui fait l'importance de cet apprentissage-là? On vit dans le numérique et au fait, on est des utilisateurs, on like, on partage, on est des grands participants du numérique, mais souvent, on n'ouvre pas les capots. On ne voit pas qu'est-ce qu'il y a en dessous, donc on demande à Google des informations, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc de plus en plus de voix s'élèvent à dire il est important de développer une culture numérique qui nous permet de voir et de comprendre qu'est-ce qu'un algorithme, qu'est-ce qu'il y a derrière les outils qu'on utilise. Et même d'un point de vue éducatif, j'imagine un peu comme quand on apprend quelque chose, on peut l'appliquer à d'autres choses. Ici, on parle de créativité, de logique, d'abstraction, de résolution de problèmes, etc. Il y a plein de compétences parallèles qu'on va acquérir en maîtrisant ou en comprenant le code. Oui, les codes, en fait, c'est une langue. Donc, il y a même qui dit que c'est une langue zéro. C'est une langue qui nous permet donc de comprendre une structure du monde, donc qui va au-delà du texte. Les textes sont linéaires, les images sont fixes, les vidéos ce sont des images, mais les codes permettent de structurer les informations d'une manière plus riche. Et ça nous donne une puissance de pensée qui peut être par la suite transférée dans d'autres matières, donc en mathématiques, qui nous permet de créer des choses en langue qui sont plus riches, qui nous permet de recréer des épisodes historiques. C'est tout un ensemble des stratégies des pensées et d'organisation de données qui permettent s'appliquer par la suite à tous les domaines. Alors, on a ce désir-là, si on peut dire. Parallèlement, pour accompagner ce désir, il y a un outil qui a été développé qui s'appelle Scratch, qui a été développé au MIT et qui est utilisé de plus en plus. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce logiciel-là? Parce que c'est au cœur, on va venir tranquillement vers Vibot le robot, et ce logiciel-là est au cœur de Vibot aussi. Scratch, c'est un logiciel qui permet au bout de quelques minutes de dire à quelqu'un « j'ai fait ma première programmation ». Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez utilisé Scratch déjà. Un petit peu, oui. Un petit peu. Ça vous a pris combien de temps? C'est assez rapide. En fait, c'est très instinctif. C'est visuel comme code. Donc, nécessairement, on arrive à mieux comprendre à travers ça les rouages de l'informatique sans être obligé de comprendre l'informatique, si on peut dire. Et c'est vraiment, on ne peut pas se tromper. En fait, l'informatique, la programmation et la robotique sont des mots qui font peur. Là, quand on rentre la première fois sur Scratch, on voit d'un côté une sorte comme d'écran avec des personnages. D'un autre côté, on a une bibliothèque des codes, mais ce sont des petites fiches colorées. Et puis, on a un espace de programmation. On a tout simplement à assembler les pièces de couleur ensemble et ça va faire des actions qui vont faire bouger les personnages, les faire parler. Donc, en quelques minutes, on a fait déjà notre premier algorithme, on a fait notre première programmation. Et c'est ce type de logiciels qui nous permettent d'aller des très basiques au départ. Il y a même des gens qui font des Mario Bros ou qui reprogramment des jeux d'arcade avec Scratch. Donc, c'est quelque chose qui, tout en étant puissant informatiquement, permet une initiation très progressive et qui maintenant est utilisée par plus de 10 millions d'utilisateurs, donc principalement des enfants. Et donc, Margarida Romero, vous êtes aussi enseignante à la Faculté des sciences d'éducation à l'Université Laval. Donc, vous vous intéressez à Scratch. Vous vous intéressez évidemment aussi à la question de culture numérique, d'apprentissage du code. Donc, en faisant l'adéquation de ces deux éléments, qu'est-ce que fait le pont vers l'idée d'écrire un livre illustré jeunesse? Oui, en fait, ça a été... je viens souvent aux bibliothèques, donc... notamment quand il commence à faire moins bon, j'amène ma fille à la bibliothèque et là je me suis dit un jour on a quand même beaucoup de mal à expliquer l'importance du numérique, et pourtant les bibliothèques sont pleines de livres et personne ne questionne pas la place des livres. Et si on faisait un cheval de Troie et on écrivait un livre qui, sous la forme des livres d'enfants ou des livres documentaires, explique ces éléments-là. Peut-être on va pouvoir atteindre justement les publics qu'on réussit pas à atteindre parce que déjà les mots leur font peur. Donc, comment donner un outil aux enfants pour expliquer au cran qu'est-ce que la programmation et la robotique? Donc, c'est pensé plus pour que ça soit les élèves qui expliquent aux enseignants qu'est-ce que la programmation et la robotique, et qui puissent avoir les livres est accompagnés d'un ensemble de projets Scratch qui sont disponibles gratuitement sur les studios Scratch sur Internet. Et donc l'idée, c'est que même si en classe ils se font juste une introduction, par la suite les enfants puissent, avec les parents ou même entre eux, puissent aller beaucoup plus loin et explorer plein de possibilités par eux-mêmes. Oui, parce que dans le fond, l'idée du livre, c'est il y a une histoire, il y a un petit côté narratif, mais ce côté narratif-là est là pour supporter d'abord et avant tout les exercices, les manipulations qu'on va faire avec justement Scratch en ligne. Donc ça devient un peu un guide, Vibot devient un accompagnateur de cette expérience-là. C'est tout à fait ça. C'est une introduction très progressive de qu'est-ce que la programmation, donc comme une langue qu'on doit utiliser, parce que les enfants, les deux héros de l'histoire, qui sont des jumeaux, une fille et un garçon, parce que les filles sont très bonnes à faire de la programmation. On doit également souligner cet aspect-là. Il n'y a pas que les garçons. Filles et garçons sont excellents quand ils travaillent sur ces aspects-là. Ils reçoivent un robot, donc Vivo, mais pour jouer avec lui, ils vont devoir apprendre à programmer parce que c'est la langue des robots. Donc, c'est là qu'intervient Mamie Ada, comme Ada Lovelace, donc la première programmeuse de l'histoire, qui est la personne la plus tech-savvy, la personne la plus savante technologique à la maison. Donc, on voulait également lutter contre les stéréotypes qui font croire que les personnes âgées sont moins technologiquement savantes. Il y a des personnes qui s'intéressent, sont très fortes, et des personnes, ça ne les intéresse pas, et puis c'est correct. Donc, Mamie va les aider à faire les premiers pas en programmation. Et donc, par la suite, les livres deviennent bilingues. Il y a l'histoire en français, il y a les codes en dessous. Donc, pour permettre aussi de s'initier progressivement et comprendre quand on déplace les robots à droite ou à gauche, l'importance des coordonnées, de se repérer dans l'espace. Donc, introduire petit à petit les pièces pour que par la suite, chacun des enfants puisse continuer l'histoire sur le studio Scratch. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on invite à faire, donc que les enfants puissent continuer l'histoire, ils puissent nous partager également les aventures qu'ils ont imaginées. Donc, les livres sont très courts, mais on veut que chacun puisse continuer l'histoire de son bord. Et évidemment, quand on développe aussi un récit comme ça, et surtout avec Vibo, qui devient un peu, entre guillemets, la mascotte de cet apprentissage-là, donc faut réussir à la rendre, à la développer. Comment ça s'est passé un peu avec Loufane de ce côté-là pour inventer ce personnage-là? Oui, en fait, l'histoire est partie. Moi, je trouvais que l'idée du projet était comme fou. Donc, je me suis dit, ça aura jamais lieu. C'est le genre d'idées qui vont rester dans un tiroir et ça va jamais avoir lieu. Mais j'ai croisé Olivia Wu des publications du Québec dans un 800. Et puis, je lui ai dit, j'ai une idée folle. Qu'est-ce que t'en dis? Et puis, on a fait une réunion avec les publications du Québec. Et ensuite, tout de suite, ils ont vu que mes dessins étaient vraiment pas bons. Ils ont engagé quelqu'un qui est extraordinaire, Lofane, qui est illustratrice jeunesse, donc une vraie professionnelle du dessin, qui, elle, a rendu Vivo et la famille vraiment extraordinairement sympathique. Les enfants sont tout de suite attachés au personnage. Et qui a rendu Mamie aussi, Mamie active, pas Mamie gâteau, donc qui a développé un univers qui est très contemporain et qui lutte également contre les stéréotypes. Filles, garçons, personnes âgées, jeunes. Et qui est venu inspirer aussi le volet web, dans le fond, le volet logiciel du livre, parce que c'est le même univers visuel qu'on va retrouver en extension si on va sur le site qui est proposé à l'intérieur du livre, justement. Le fan, en fait, a accepté que les personnages ils soient également sur Scratch, donc on a pu placer Vivo également sur les fichiers, donc on peut continuer l'histoire tout en utilisant les personnages qui a été fait. Et puis d'ailleurs, on pense c'est des projets fous, donc maintenant cette fois on s'est dit peut-être ça va pas rester dans les tiroirs, peut-être un jour ça va se faire. On est en train de réfléchir, on va lancer un concours pour créer un Vivo, un robot. Donc, pour que les gens puissent s'imaginer avec des outils de robotique pédagogique ou même des matériels bricolés, de faire un robot réel, donc de sortir du papier les personnages et les rendre, pas dire vivants, mais les rendre 3D et physiques. Oui, déjà qu'ils sont quand même aussi dans deux univers, autant le virtuel que le papier au départ. Et jusqu'à maintenant, parce que ce livre-là, Margarida Romero, vous l'avez proposé bon pour le grand public. De ce que j'en comprends, il y a aussi des classes qui l'ont expérimenté. Vous faites aussi des ateliers à Espace Lab, à Monique Corriveau, les samedis matins sur la robotique. Donc, ça devient aussi un personnage qui peut être utilisé comme mascotte un peu de ces éléments-là, comme exercice aussi là-dedans. Donc, comment se passe un peu l'appropriation de ce langage-là dans ces différents contextes? C'est toujours extrêmement ludique et c'est toujours très bien accueilli. Donc, c'est C'est vraiment extraordinaire parce qu'avant c'était comme il fallait que je frappe très fort aux portes pour aller travailler avec des enseignants. Là, c'est plutôt à gérer les invitations des écoles. Donc la dernière fois c'était en Bourse avec Denise Saint-Pierre, une conseillère pédagogique là-bas. Et ce qu'on a fait, c'est une activité. On commence par expliquer l'histoire et par la suite on fait des activités. On utilise toujours les matériels existants, donc les trousses robotiques qui sont déjà sur place ou tout simplement s'il n'y a pas de robots aux alentours. Donc les logiciels Scratch ou Scratch Junior. Et ce sont les enfants, en fait, à chaque fois, on s'arrime à ce que l'enseignant est en train de faire en ce moment-là. Donc, c'est plus la langue. Donc, on va travailler plus de créer des dialogues. S'ils sont en train de voir un aspect particulier à l'univers social, donc, on va s'arrimer là-dessus. Donc, c'est pas des activités, en fait, c'est pas quelque chose qui est fermé ou qu'on a comme un catalogue fermé des choses. Sinon, c'est un petit peu l'excuse narrative toujours pour amener plein d'autres choses. Et j'ai l'impression, en terminant aussi, que c'est ces genres de livres que, comme parent, je gagne à lire avec mon enfant et à faire avec mon enfant parce que, oui, les jeunes doivent acquérir la culture numérique, doivent comprendre, mais comme parent, on n'a pas toujours grandi non plus avec cet outil-là. Donc, ça devient important pour pouvoir aussi bien apprendre à communiquer peut-être autour de cet outil-là avec nos enfants qui, eux, vont avoir d'autres usages qui vont se développer au fil du temps. Donc, je pense que même pour les parents, ça devient un outil important. Oui, tout à fait. Et puis les parents sont parfois inquiets du temps écran. Donc, quand les temps écran, c'est temps de consommation des vidéos ou d'autres, c'est pas très ça met pas l'enfant dans une place très active. Tandis que si on peut rediriger ces temps écran vers un temps de numérique créatif, donc où l'enfant est en train de construire quelque chose, là on peut se dire voilà, on va faire une carte interactive pour grand-maman, ou on va faire un projet créatif à la maison. Donc ça permet, ça c'est les MIT aussi qui sont très forts dans cette ligne-là, donc parler des créatifs familiales ensemble. Alors à découvrir évidemment beaucoup de dimensions, je pense que c'est ce qu'on comprend à travers tout ça, et d'ailleurs le titre le dit bien, Initiation à la programmation pour les 7 à 77 ans avec Vibo, le robot, donc de Loufane et Margarida Romero. Margarida, merci beaucoup. Merci Raymond. Et je rappelle que le livre est édité du côté des Publications du Québec. Dernière ligne droite pour la vie en BD, en vous rappelant que vous pouvez d'ailleurs suivre également l'émission via mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Et un événement qui s'en vient, auquel j'ai le plaisir de collaborer d'ailleurs, du moins comme initiateur de projet ou lanceur de défis, dans ce cas-là, c'est une conférence dessinée 3e de la série Planche d'histoire, où il y a donc l'histoire et la chronique historique qui est métissée avec le dessin en direct. Dans ce cas-ci, le défi a été lancé à Nicolas Jobin et Paul Bordelot, avec un sujet qui a été choisi, qui est Expédition dans le paysage musical québécois. Donc, c'est le 27 octobre au Musée de la Civilisation de 17h30. Nicolas Jobin, peut-être d'emblée, on te présente un défi comme ça. Pourquoi t'acceptes de relever ce genre de contexte un peu improbable quand même? Un peu improbable. En fait, faut savoir que je suis dans un cycle de conférences depuis un petit moment et cette proposition-là me faisait du bien parce qu'elle apporte, d'une part, une dimension visuelle, mais surtout une dimension performative, en quelque sorte. Ça devient vraiment un divertissement. On ne va pas bâcler l'information scientifique, on ne va pas couper dans la rigueur, mais ça amène quand même un regard différent. Et comme j'essaie le plus possible dans mes conférences, dans mes exposés, dans mes chroniques, dans mes écrits, d'avoir une dimension de vulgarisation, le dessin vient apporter une couche supplémentaire à ça, de rendre accessible le propos. Et comme le propos nous touche directement, je pense que tout le monde est touché par la musique, mais tout particulièrement la musique au Québec, ben là, on fait un bond dans l'histoire. Et pour éviter le côté plus rigoureux du propos, ben là, il y a quelque chose qui se passe pendant que je parle. Et cette interaction-là avec le dessin, avec Paul Bordelot, risque d'apporter un peu de théâtralité à une conférence qui, habituellement, les miennes ne sont pas austères, mais le concept même de la conférence, parfois, peut rebuter certaines personnes. Là, on dirait que c'est invitant, au contraire. Oui, ben, enfin, on s'éloigne un peu du classique diaporama, photo d'archives. Et là, il y a le dessinateur qui est sur scène, donc Paul Bordelot, qui va être avec toi à l'écran, qui va dessiner. Et en même temps, j'imagine que de dire, j'ai quelqu'un pour exécuter en direct pendant que je parle, qui m'accompagne, qui porte aussi une partie du message. Mm-hmm. Est-ce que ça change un peu la manière dont on organise, dont on fait l'architecture de la communication? Ben oui, en fait, parce que finalement, on fait une conférence à deux. Il y a un dialogue qui s'installe et donc il y a nécessairement une certaine trame dramaturgique pratiquement qui doit apparaître dans le débit. Il y a des moments où, certes, Paul va dessiner ce que je raconte, mais il y a aussi des moments où je vais commenter ce que Paul dessine. Et il faut choisir ces moments-là. Qu'est-ce qui est le mieux porté par la parole et qu'est-ce qui est le mieux porté par le dessin? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qu'on tend à essayer de décrire en musique du mieux qu'on peut et qui nous échappe un peu dans le sens, dans la pluralité des regards qu'on peut jeter sur cet élément-là. Et le dessin vient comme fixer l'image dans notre tête. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment des moments où le dessin sera non seulement en support, mais vraiment le discours principal. Oui, puis en même temps, ça devient intéressant, comme tu dis, ça devient un dialogue. Donc, tu places un peu en dialogue avec le dessinateur qui exécute, mais avec son produit à l'écran aussi. Mm-hmm. Donc, j'imagine que ça fait plusieurs dimensions et tu disais de sortir un peu de ta routine habituelle de conférence. Ben, je pense qu'on saisit bien l'éclatement un peu du concept aussi. Exactement. Il y a une notion de temporalité qui apparaît. On peut passer très rapidement sur plusieurs petits éléments pendant qu'un long dessin se profile derrière. Donc, on peut être attiré par le propos. On peut en même temps voir le dessin se développer. Mais le contraire est aussi vrai. Je peux m'étendre sur un sujet, mais avoir plusieurs regards jetés sur le même sujet de par plusieurs illustrations, plusieurs techniques. Donc, il y a là une espèce de réinvention du propos toujours qui nous permet d'être toujours dans... On est dans l'art vivant pratiquement, là, même si ça demeure une conférence. Et Nicolas Jobin, en fait, dans un contexte aussi où le propos lui-même en vient un peu à se réinventer parce que des périodes de l'autochtonie jusqu'au régime français, du régime français vers le régime britannique, jusqu'aux différentes époques modernes, puis à l'évolution, l'histoire de la musique est quelque chose qui change, qui évolue, qui progresse, mm-hmm. mais avec quand même, j'ai l'impression, des césures ou des schismes quand même assez importants. Certaines étapes. C'est des renversements quand même assez drastiques, tout particulièrement au tout début de notre histoire. Là, c'est des longs bonds dans l'histoire. L'activité n'était pas aussi effervescente qu'elle peut l'être aujourd'hui. Ce sont des tableaux quand même bien définis qu'on peut rapper, comme on le dit dans la langue de Molière, qu'on peut vraiment bien circonscrire. Et puis, la présence comme ça d'un autre médium nous permet, soit en changeant de technique, en changeant de texture, en changeant de couleur, en changeant de médium, nous permettre de bien accompagner ce changement de tableau-là. Donc, pour quelqu'un qui est le moindrement sensible au visuel, qui est le moindrement attiré par un mode d'apprentissage différent du côté plus magistral de la choses, eh ben ça finit par être un épisode en quelque sorte qui se clôt et on passe à un autre. Et c'est intéressant parce que ça risque de laisser des traces beaucoup plus vives chez le spectateur et peut-être même habiter la mémoire beaucoup plus longtemps. Oui, parce qu'il faut comprendre, en fait, je pense que c'est dans les anecdotes que tu vas raconter qui vont nous permettre de comprendre l'importance qu'a eu la musique à différentes étapes de la colonie, notamment, mm-hmm. Ne serait-ce que dans le régime français où la musique était carrément utilisée pour aller assimiler presque voilà. Les peuples autochtones. Ben oui, c'est ça. Au début de notre histoire musicale, on était, en fait, au Québec, au Canada, en Nouvelle-France, c'était surtout des gens qui étaient de passage. Hein? Jusqu'à dans les années 1650, il y avait à peu près 500 personnes au maximum qui habitaient ici, et la plupart étaient des marchands, des fonctionnaires, des gens de la haute française qui passaient faire leur tour, et exception faite du clergé et de quelques colons qui étaient là surtout pour faire le ménage, faire la cuisine, récolter de façon plus utilitaire, on pensait très peu à... comment dire, à les entertainer. La notion de divertissement n'était pas nécessaire parce qu'on avait à peine le temps d'oublier ce qui se passait en France et on y retournait pour la plupart d'entre eux. Mais les gens qui étaient ici, le clergé, depuis le Concile de Trente, avait quand même rétabli une certaine hiérarchie de la musique à l'intérieur du culte. Et ça demeure quelque chose qui, même si c'était essentiellement du plein chant, quelque chose de très austère, a une certaine portée. La musique a toujours... toucher les gens, surtout quand on est en contact avec une musique d'une société, d'une partie du globe qu'on ne connaît pas. Il y a quelque chose de curieux aussi qui apparaît. Et très rapidement, on s'est rendu compte que les Premières Nations qui étaient ici résonnaient très fortement à la musique occidentale, au plein chant occidental. Et plutôt que de simplement faire un échange musical avec eux, puisqu'ils chantaient aussi, ils faisaient de la musique eux aussi, on s'est servi de cette espèce de pouvoir d'attraction action-là qu'avait la musique pour traduire la bonne parole du Christ dans leurs langues respectives pour vraiment tranquillement les assimiler. Et très tôt, à 3-4 ans, on apprenait à chanter les louanges à Dieu le Père dans la langue huronne, dans la langue wendat, dans la langue crie, bref. Mais toujours attiré par la beauté du chant et tranquillement, ben ça faisait son chemin dans le cerveau des petits autochtones. Et puis il y a eu des générations et des générations qui ont été assimilées culturellement par la beauté de la musique occidentale. Donc c'est un des tableaux qu'on va évoquer d'ailleurs. Enfin, on se croirait littéralement dans la guerre des arts de Francis Dernay. Ben, ça ressemble véritablement à ça, effectivement, se servir de la beauté de quelque chose pour conquérir quelqu'un d'autre. Ouais. Et inversement, ben le défi quand on entend ça aussi, c'est de se dire, ben on est dans un contexte de conférence dessinée, donc il y a ce propos là qui est parmi les éléments qui vont être développés, mais qui en même temps sera illustré. Donc, pour apporter un autre regard, dans le fond, sur cette entreprise d'assimilation-là, ben oui, par ben, exemple. Il y a une portée poétique, au sens où c'est de la poésie très laide dans ce cas-ci, mais il y a quand même quelque chose d'assez hallucinant d'utiliser la beauté, justement, pour réussir à corrompre un système de pensée ou d'assimiler quelqu'un, le mener à penser pareil comme nous, avec la beauté de la musique ou la beauté de la poésie ou des arts, de façon plus générale, dans le cas de Francis Dernay. Et donc, si on veut dépeindre cette situation-là en le disant, on le fait et on évoque quand même la laideur du procédé, mais d'un point de vue caricatural, d'un point de vue pictural, on est capable de dépeindre un tableau qui peut illustrer cette façon de faire d'une manière très poétique, et l'image risque, surtout avec le talent de Paul Bordelot, de nous rester pour de bon. Donc il y a quand même une portée poétique aussi à la présence du dessin qui ajoute une couche, un petit vernis, un petit poli sur quelque chose que la parole pourrait difficilement faire. Alors, évidemment, c'est un exemple parmi les nombreux qui seront réalisés par Nicolas Jobin et Paul Bordelot le 27 octobre prochain, donc jeudi prochain, dès 17h30 pour un 5 à 7 de dégustation. La conférence commence à 19h30. Les billets sont en vente, d'ailleurs, au moment où on se parle, sur le site du Musée de la Civilisation. Nicolas Jobin, merci beaucoup. Toujours un plaisir, Raymond. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec une autre belle émission, plusieurs sujets qui seront très Anne-Marie Duprat et Bac seront avec nous pour Moment de Maman, M et Ariel pour Zidara 9 et plus. Alors, c'était Raymond Poirier au micro et d'ici à la semaine prochaine, mais je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.